Vous êtes à l'écoute du territoire. Telle une aquarelle sans cesse repeinte, le territoire québécois revêt des couleurs qui muent au gré des saisons. Il aborde les parfums et les saveurs du temps présent. Dans son ciel, les oiseaux migrateurs vont et viennent, alors qu'au sol, les pelages passent du brun au blanc et du blanc au brun. Et un peu partout sur les routes du Québec, sur les abords de la 138 et de la 132, près d'un quai ou d'un chemin de fer, des casse-croûtes suivent l'alternance des saisons. Ouverture au printemps et fermeture à l'automne. Entre les deux, imperceptible pour ces travailleurs des cantines, le temps se contracte dans la succession des 12 heures de labeur quotidien. Mais ô combien réconfortante la promesse d'un hiver de repos, d'un hiver sans soucis. Cette semaine, le silence après la cantine. Les histoires de restaurateurs à l'approche de la fermeture saisonnière. Un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie. Vous vous appelez comment? Marie-Pierre. Vous avez quel âge, Marie-Pierre? 39. Est-ce que vous êtes propriétaire, oui, de la cantine? Oui. Puis vous me disiez donc... Pour l'épisode de cette semaine, nous voulions aborder un sujet plus léger, mais proche aussi de la normalité. Beaucoup de Québécois et de Québécoises voient le territoire québécois à travers le prisme des vacances, et les casse-croûtes sont un arrêt immanquable du paysage vacancier. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une douzaine de travailleurs. Louise Côté. Xavier Dion. On est au bord laitier à Chigny. Qui travaille au rythme effréné des voyageurs pressés. Eh bien, moi, c'est Philippe Martin. Eve-André Lacombe. D'où Eldré Tacos. Et dont chacune des histoires s'est avérée aussi unique que la prochaine. Moi, c'est Jean-Guy. Jean-Guy, OK. Steve, c'est... C'est mon mari, c'est l'autre propriétaire avec moi. Okay. Vous êtes tous les deux propriétaires? Oui. Malgré leur omniprésence sur nos routes pendant une bonne partie de l'année, il est surprenant de constater le peu d'informations qui existent au sujet des casse-croûtes. Pour combien de personnes sont-ils un gagne-pain? Quelles sont leurs habitudes de travail et, peut-être pour commencer, qui sont ces travailleurs en question? Il doit y avoir quelque chose dans le rythme de ce travail qui fait en sorte que les gens restent. Parce que pour plusieurs employés ou propriétaires, c'est l'histoire d'une vie. Au bar laitier Aux Glaces, aux îles de la Madeleine, Nicole Lapierre et Ginette Godet. D'autres y font leur entrée sur le tard. Colin Hunt, par exemple, du Fishac, lui aussi aux îles de la Madeleine. I've only been there for like a couple of weeks, so I don't know if I'm really going to truly be able to answer. Le manque de recherche au niveau des casse-croûtes fait en sorte qu'on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Du côté des médias, on ne s'y intéresse que pour célébrer les soi-disant 15 meilleures casse-croûtes du Québec, soit pour raconter l'histoire d'une d'entre elles particulièrement touchante ou exceptionnelle. C'est une tendance à laquelle nous ne ferons malheureusement pas exception. Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, affirme qu'en 2022, on comptait 1608 casse-croûtes, en baisse constante depuis 2007, alors qu'il y avait quelque 3000 casse-croûtes, un sommet. On pourrait se prêter au jeu des approximations et dire que si chaque cantine emploie en moyenne de 4 à 6 personnes, ce sont probablement entre 6 et 9 000 travailleurs qui subviennent à nos petits creux de vacanciers. Si les casse-croûtes ont quelque chose d'universel, pour ceux qui s'y arrêtent le temps d'une fringale, ceux qui y travaillent, eux, y arrivent chacun de leur propre chemin. Parce qu'on s'est rencontrés dans le Grand Nord, en fait. Dans une cuisine, sur un site minier. Puis on a vu une maison à Saint-Bruno. C'est un ami qui nous envoyait ça. Bon, on va-tu voir, ça a l'air quand même assez malade. C'est dans le fond du bois, dans une maison en bardeau de sel. Puis tout ce qu'on voulait était là. Comment ça se trouve, pour être vrai, ça n'a pas rapport. Puis on est juste allé, puis on a fait comme, OK. On le fait. Puis le Kamouraska, c'est... Dans le cas d'Eve-André et de Philippe, On le fait référence à Eldré Taco, un casse-croûte funky mais chaleureux sur la 132, dont la terrasse surplombe les champs du Kamouraska. Presque toujours, ces histoires personnelles impliquent la famille. Pour Colleen, du Fish Shack, le travail en restauration s'est imposé comme une obligation. Yeah, I lobster fished with my husband first. And then my parents, like a personal story, my parents got sick, so I had to stop fishing because they needed help thriving. Pour prendre soin de ses parents tombés malades, Colleen a dû prendre un autre travail pour lequel elle n'aurait pas à partir aux petites heures du matin. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée au Fish Shack. Autant l'histoire de Colleen est empreinte de tristesse, autant celle de Jean-Guy Bertrand et de Steve Bourassa est exubérante de joie de vivre. À leur casse-croûte, qui s'appelle La Florida, l'union fait la force. On est un couple très, très uni. T'sais, tous les gens nous connaissent comme étant les gars. T'sais, et non, Steve et Jean-Guy, on est les gars. T'sais. On va voir les gars de la Florida. Avant, c'était les gars de la Binerie. Puis avant, c'était les gars du Rose Bonbon. Les gens nous connaissent tous. Au milieu d'un océan de parasols multicolores, Jean-Guy se remémore les quatre restaurants qui ont précédé La Florida. Ils sont des gars de projet, comme il se plaît à dire. Depuis plus de 10 ans, lui et son mari sont établis en Mauricie, une région qui leur tient autant à cœur que la Floride de leurs hivers. La Florida est aujourd'hui un pilier de la communauté de Batiscan, au point où, juste une semaine avant notre visite, ils y ont tenu un événement tout spécial. Nous, dans le fond, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés le samedi passé. C'est samedi dernier? Samedi dernier, on s'est mariés, oui. Ben, merci. On s'est mariés ici. Puis ça fait notre cinquième entreprise en restauration. La Florida est le royaume du tape à l'œil. Faux palmiers, flamants roses en plastique, effigies d'Elvis et téléphones en bakélite tapissent les murs de la salle à manger. Pour Jean-Guy et Steve, ce décor rétro est une véritable ode à leur passion du kitsch. Mais la Florida, ça n'est pas rien que ça. On aime beaucoup expliquer que c'est un milieu qui est très inclusif. C'est un milieu où ce que on retrouve pas de classe sociale, de minorité visible ou quoi que ce soit. T'sais, on veut vraiment inclure tout le monde. La célébration qu'on a faite samedi passé, justement, c'était ouvert à tous. Là. C'était une célébration publique. Donc, tu étais client, tu étais bienvenu. T'es de la famille, tu es bienvenu. Tu as des amis de longue date, tu es bienvenu. Tu fais juste passer, par hasard, ben, tu es bienvenu aussi. Ouais. Ah, ça, j'aurais aimé ça être là. Ah, c'était vraiment beau. T'as reversé une larme, c'est sûr, tout le monde a pleuré. Ah oui? Ah oui, c'était très, très émouvant. De l'autre côté du fleuve, à Sainte-Luce, à l'est de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, le bar laitier Achigny approche l'âge vénérable de 60 ans. Dans l'odeur sucrée et métallique distinctive aux crèmeries, un jeune homme m'accueille pendant que s'affaire derrière une femme d'une cinquantaine d'années. C'est ça, on est partenaires, là, moi et ma mère, là, dans le projet. Là, c'est un beau projet entre mère et fils. Louise Côté et Xavier Dionne sont propriétaires depuis 2 ans. Et ça semble presque relever du hasard. Moi, comme emploi étudiant, j'ai travaillé ici là, un été. Les anciens propriétaires m'ont glissé que c'était officiellement à vendre. Là, dans les... Mais si c'est vrai que leur association dans cette aventure est un coup du destin pour les deux, pour Louise Côté, ce tournant est d'autant plus impressionnant qu'il arrive au cours d'une vie qui ne la menait pas naturellement vers cet univers glacé. C'est un gros virage que moi j'ai fait. J'étais pas dans le domaine du tout, là. Moi, je suis designer d'intérieur puis technicienne en laboratoire. Mais avant de reprendre les rênes du bar laitier Achigny, Louise Côté se trouvait à la croisée des chemins dans sa vie personnelle. Dans ma vie, j'avais besoin vraiment d'un virage. Puis c'est ça, je me disais, c'est on vend du bonheur. Et ce sont les sourires de son fils Xavier et des gourmands de la crèmerie qui lui ont signalé le métier comme la voie à suivre. Je me suis dit, mon Dieu, quel bel endroit. Tout le monde est de bonne humeur habituellement quand ils viennent au bar laitier. Puis Xavier revenait du travail toujours heureux et tout. Puis là, j'ai comme mentionné que... Ceux qui y passent du temps semblent être heureux, se disait Louise Côté, et elle voulait en faire partie. Pour ceux qui y travaillent, comme pour ceux qui y sont comme clients, les casse-croûtes font partie d'une économie du bonheur propre à l'été. Mais la nature saisonnière de leur présence engendre aussi un engouement synonyme de travail et de longues heures. L'été, là, mettons l'horaire régulier, du vendredi au lundi, de 11h30 à 19h30. Fait que là, nous, on va passer, les journées qu'on est ouvert, on va passer un bon 12, 13 heures des fois ici. T'sais. Mais là, arrive le mardi, mercredi, jeudi qu'on est fermé, il faut revenir ici toute la journée, puis on fait des 10 heures de mise en place, de préparation. Bon, pour ma part, je fais en 12 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7, présentement. Xavier, j'ai réussi cette année à lui donner un peu de... Entre 65 et 80, là, selon les semaines. Là, ouais. Partout où nous sommes allés, l'histoire était la même. Des heures et des heures de travail. Souvent, la semaine entière. Souvent, jusqu'à tard le soir. Il a souvent été question de pénurie de main-d'œuvre cet été, dans le milieu de l'alimentation. Et les casse-croûtes ont été frappées de plein fouet. À un point tel que certains n'ont tout simplement pas ouvert, tandis que d'autres se sont tournés vers des employés très jeunes. Pour les propriétaires du Eldré Taco, trouver des employés pour l'année prochaine est devenu une, sinon la priorité de la saison morte. Le réussir à résoudre ce problème-là, c'est merveilleux. Hein. Tout est en place. Oui, tout est en place. C'est juste que là, on travaille 7 jours sur 7, genre 12 heures par jour. C'est juste trop. Là. Rendu en septembre, il est évident que la fatigue fait partie des meubles. Et cette fatigue, tout le monde semble en être conscient, joue des tours. Nous avons demandé séparément à Philippe et Ève André, le couple à la tête du Eldré Taco, comment la fatigue se manifestait-elle dans leur quotidien. Leurs réponses ne se recoupent pas, mais sont plutôt complémentaires. Avec la manière, les émotions sont plus fragiles un peu. mais quand même, pour de vrai, ça a quand même vraiment bien été. On se trouve bon, en fait. Ben là, c'est sûr que les amitiés, c'est comme si t'étais jamais disponible. T'es jamais comme mentalement disponible, t'as jamais l'énergie pour... T'es tout le temps un peu à moitié là. Puis ça, je trouvais ça vraiment difficile à gérer. Là. Je pense que c'est ça, c'est l'espèce de d'incapacité. On devrait être focus là, 100% dans ce que tu fais. On dirait que t'es jamais capable d'atteindre une espèce de moment ou de plénitude où t'es là, OK, ouais, cool. Contrôle, mais non, on dirait que j'arrive jamais à avoir le parfait contrôle ou d'être dans une zone. Si Philippe devient hypersensible quand il est fatigué, pour Ève André, c'est le contraire. L'épuisement lui donne de la difficulté à être tout à fait présente pour les gens qu'elle aime. Elle s'installe dans les humeurs et les fait dérailler. Elle abstrait ceux qu'elle touche de la compagnie de ceux qui leur sont chers. Mais même chez les vieux routiers, comme Nicole Lapierre par exemple, 22 ans à la barre du bar laitier aux glaces, la pénurie de main-d'œuvre érode le quotidien. On manque de personnel, puis ça, on n'a pas le temps de faire autre chose que ça. Marie-Pierre est propriétaire de La Halte, un casse-croûte de Portneuf. Pour un moment dans l'été, elle a fait appel à une toute jeune brigade. J'avais 15-16 ans aussi, parce qu'ils veulent travailler. Nous autres, on leur demande toujours, tant pendant l'été que quand l'école a recommencé, je leur demande « qu'est-ce que vous voulez faire? » T'sais, moi, je vais faire des heures de fou s'il faut, mais je veux pas leur en mettre trop. Ça reste des enfants quand même. Là. Est-ce que vous prenez une vacance durant l'été? On parlait avec d'autres... Pour Marie-Pierre, engager une force de travail de plus en plus jeune vient aussi avec une certaine dose de responsabilité. Pour Louise Côté, au bar laitier à Chigny, ces considérations revêtent un caractère particulier du fait que l'enfant qu'elle veut préserver, c'est le sien. Gérer ça aussi. Et parfois, c'est difficile. Là. Comme je vous disais, l'année passée, je pouvais lui donner moins de congés. Je trouvais ça vraiment difficile comme mère de ne pas être capable de dire « tu peux prendre une semaine ». J'ai eu 20 ans, je sais que tu sais, il y a des amis, il y a une copine et tout. Mais moi, ben j'ai mis ça de côté puis je me suis dit « bon, ben là, cette... des fois, mes amis me disent « on pourrait aller, moi, je peux pas ». C'est donc un sacrifice qui va de soi pour la mère en Louise Côté. Le défi que les travailleurs et travailleuses des casse-croûtes affrontent, c'est celui de faire des sacrifices durables, si on veut. À mesure que l'été avance, les patiences s'effritent, les absences se font de plus en plus sentir. Celles des amis, celles des loisirs, celles de la famille ou encore celles des heures de sommeil. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas casser. Ben, tu sais, t'entends des histoires ici et là que le monde travaille beaucoup puis qu'à un moment donné, du jour au lendemain, bon, la personne avait craqué, ou t'entends des histoires de burn-out au travail, tu sais. Mais là, c'est la charge mentale. On vit la même affaire les deux, donc oui, c'est très demandable. Il n'y a pas d'autre solution que de dire juste « je vais travailler plus ». Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on frappe un mur, là. Ça peut arriver, là. Il y a des journées, des fois, tu frappes un mur, là. Est-ce que ça fait en sorte que vous êtes ouvert 7 jours semaine? Hein? La question se pose donc. Le jeu en vaut-il la chandelle? Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs cuisiniers et cuisinières, de serveurs et de serveuses, éreintés. Mais toujours souriants, toujours chaleureux et prompts à éclater en rire. Et qui, surtout, ne mettaient jamais en doute leur métier. Qu'est-ce donc qui les retient à leur casse-croûte? Bien, on s'attache aux compliments qu'on a de majoritairement, là, les clients sont tellement contents, puis sont tellement... Je trouve qu'on a une clientèle idéale. Au risque d'être un peu quétaine, pour certains, c'est la reconnaissance des visiteurs qui fait office de filet. Tandis que nous finissons notre entrevue avec elle, Nicole Lapierre quitte son comptoir de crème glacée derrière lequel elle nous parlait et s'en va chercher quelque chose. Elle ramène un cartable qu'elle manipule délicatement, avec une immense précaution, de grandes aquarelles qu'une cliente lui a données. Est-ce que vous me liriez pour nos auditeurs? Ici, elle a écrit « Votre sourire et votre gentillesse est contagieuse. Merci. » Ah oui! Mais c'est super beau, c'est vraiment beau. Fait que là, l'année prochaine, ça va être... Quand ces mots iront en ondes, la clé sera dans la serrure. Les fenêtres placardées, les friteuses vidées de leurs huiles, les frigos débranchés. Les cuisines seront désertes et silencieuses. Les lumières éteintes et à la fenêtre, un écriteau dira « fermé » et « bon hiver ». Après la tempête estivale, c'est l'autre longue saison qui commence. Pour Evandré, du Eldré Taco, elle est non moins empreinte de bonheur. Nous, on est conscients de ce que ça nous coûte vivre. On n'a pas besoin de grand-chose, là, dans le fond. L'hiver, je veux dire, nous, on... C'est ça, on est chez nous, on prend ça relax. Notre sport, c'est du ski de fond. T'sais, ça prend pas grand-chose pour... nous autres, nos dépenses, c'est bien manger, bien boire, là, comme... C'est ça, notre vie, là. Ouais, c'est fait, ça. C'est ça qu'on aime. Tant que ces besoins-là sont rassasiés, ça va bien. Là. Pour certains, le travail continue. On prend un break l'hiver, mais on n'arrête jamais vraiment à 100%. On est toujours... savoir commerce, notre cerveau roule toujours. Fait qu'on... Tandis que pour d'autres, peut-être plus accoutumés au travail saisonnier, non. Non. On reste. Pas d'emploi. There's not anything like really to do over the winter, so you kind of go home and go on unemployment and wait for work to start back up again in the spring. Enfin. Une grande fête nationale entend-elle nos travailleurs et travailleuses pour finir la saison? No, we just all go home. We just kind of upset that it's all over and go home. C'était « Le silence après la cantine », un reportage de Renaud Chiquan-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Notre musique originale est composée par Hugo Mayrand et cette émission est co-réalisée par moi-même, Paul Fontaine, et Renaud Chiquan-McKenzie. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Paul Fontaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM pour être, de nouveau, à l'écoute du territoire.